show named T-Rex Thierry. Alex, en vrai, d'accord. Salut Alex. Moi c'est Benjamin. Putain, j'ai un son. C'est toi qui as un son bizarre là. Hein? 1, 2, 3, 1, 1. Yacine Barberena, t'as un son bien merdique, mon pauvre. Je sais pas ce qui se passe. C'est moi ou qui l'entend comme ça, Yacine et Jacine? Comment on dirait hein? J'ai pas mon traducteur, il faut qu'il recharge son pilote Azure. Attends, on va lui faire voir qu'il prenne. Parce qu'on n'est quand même pas des sauvages. Essayez de trouver. Non, je veux pas de mise à jour Java. Alors, ça s'appelle comme ça. Là. Là. Ah mais il est parti, Jacine, Jason, Jacine, il est là Jacine, il est parti, il est où? Ouais si il est là, Jacine Barberena, look at this, download this and use. Ah ben voilà, tu parles français, je sais pas si, on voit plus, moi sur mon truc on voit plus qui c'est, eh ben faut que tu mettes le pilote Azio. Normalement, ça ira mieux. Et après, tu relances. Attends, j'enlève mon effet. Attends. Tu télécharges Azio 4. Tu le mets en réglage dans ton Reaper ou Jamtaba. Je sais pas ce que tu utilises. Qu'est-ce que tu utilises, Jeeper. Voilà. Et après, tu relances. Ça devrait aller marcher. Ça devrait fonctionner mieux. Tu vas vérifier ta carte son ou. Et ton son sera meilleur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez faire une chanson particulière ou pas? Ou pas. On a en quoi comme tempo? 130? Ça va vite, hein? Où est le pilote? Je te l'ai mis, c'est... tu vas télécharger au-dessus, attends. Je te l'ai mis déjà. Attends, je te le remets. Tu vas là. Là. Tu vas là-dessus. Vas-y. Attends, putain, ça veut pas le mettre. Là. Tu vas là-dessus. Et tu télécharges dans. Tu prends le dernier. Il est bon. Azio 4 en anglais ou en français, tu t'en fous. La version 2.13. Je peux même te mettre là. Voilà. Ah merde, je suis en train de télécharger, putain, je vais pas le télécharger. Bon, bref, t'as compris? Oui, sur Jamtaba, tu peux régler aussi. Mais sur Jamtaba, tu vas dans Préférences. Et etc, etc. Tu vas y arriver, Jacine? Du coup, je peux fermer ça. Fermer la fenêtre. Bah oui, je ferme la fenêtre. voir la guitare. Did I?